Appeler se dit llamar. Hein? Deux L, A-M-A-R. Llamar. Alors, pour dire « je vous appelle », vous vous adressez à usted, vous direz Les llamo. Bien, les llamo. Et je t'appelle? Te llamo. Encore une fois? Te llamo. D'accord, te llamo. Et il m'appelle? Me llama. Encore une fois, s'il vous plaît? Me llama. C'est ça, me llama. Pourquoi est-ce que tu ne m'appelles pas? Por qué no me llamas? D'accord. Por qué no me llamas? Et pourquoi est-ce que vous ne m'appelez pas? Vous posez la question à ustedes. Por qué no me llaman? Por qué no me llaman? Et nous vous appelons. La phrase s'adresse à usted. Le llamamos. D'accord. Donc, llamamos, le llamamos. Et nous t'appelons. Te llamamos. Te llamamos. Et si vous voulez dire appelez-moi demain, appelez-moi se dira, vous vous adressez à usted. Llámeme. Tout à fait. Demain. Mañana. Llámeme mañana. Très bien. Et ne m'appelez pas aujourd'hui. No me llame. D'accord. No me llame aujourd'hui. Hoy. No me llame hoy. Oui. Alors, encore une fois, tout comme en français, dans les ordres affirmatifs, le ou les pronoms, tels que me, lo, etc., doivent être accolés à la fin du verbe. La seule différence avec le français, c'est que ça s'écrit tout attaché. Donc, llámeme, en un seul mot, hein, llámeme. Mais, ça c'est seulement pour les ordres affirmatifs. Pour un ordre négatif, le ou les pronoms se placent, comme en français, devant le verbe.